Ben, j'ai le plaisir d'être avec Riku, qui maintenant avec les multiples casquettes au Hellfest, mais surtout communication et donc maintenant un peu programmation. Merci C'est beaucoup ça. de nous accorder quelques minutes d'interview Bah, merci à pendant vous. votre warm-up. Ben justement, on va commencer par parler du warm-up. Vous avez cette année associé deux groupes qui ont des styles un peu opposés. Nervosa en thrash et Novelist en plutôt métal moderne. Je sais que c'était une volonté de votre part pour justement attirer un peu de tous les horizons et faire découvrir à certaines personnes ce qui pouvait être moins connu. Là, on est quasiment à la fin de votre tournée. Quel bilan vous tirez de tout ça et du warm-up en général? Eh ben écoute, plutôt un très très bon bilan. On est sur des fréquentations. Là, tu vois, on a encore trois dates à faire avant la fin. Enfin, quatre en comptant Toulouse. Ouais. Et on est quasiment à chaque fois. On a eu six complets. Déjà sur la tournée, sur 16 dates. Okay. Et en termes de taux de remplissage, on est autour des 85-90%. Donc c'est plutôt C'est un ouais. excellent score et on est très satisfait de la fréquentation. Global, on le voit, il y a un public c'est intéressant parce qu'effectivement, comme je disais, il y avait vraiment deux publics, un public un peu plus âgé qui va se retrouver plus dans le trash et un public plus jeune qui va plus être sur le métal moderne. Donc, non, ça fait un public assez éclectique, donc c'est assez cool à voir là-dessus. Ok. Alors, moi, je voudrais parler un peu des liens que vous entretenez justement avec toutes les assos qui vous accueillent un peu tout au long de ce warm-up. Alors, je sais que vous vendez les dates un peu comme un tourneur, on va dire un peu classique, mais est-ce que vous entretenez quand même une relation qui peut déboucher sur déjà un peu de longue durée et qui peut déboucher sur une entraide mutuelle. Je pense par exemple aussi au groupe, tu vois, ce soir il y a Ten Fate, c'est un groupe qui est bien connu dans la sphère toulousaine parce qu'ils font un def qui est très efficace. Est-ce que ça peut aussi être un tremplin pour aller vers votre scène et là par exemple vers Altar dans les années à venir? Ouais, nous on travaille effectivement comme tu le disais avec différentes structures et assos en fonction des lieux qui nous accueillent. On a des lieux qui sont soit des SMAC, donc c'est des assos qui gèrent ces établissements, soit carrément des assos qui gèrent des lieux, tiers-lieux ou autres, etc. Donc Okay. ça varie un peu. Et donc oui, c'est en fonction des affinités, aussi des demandes. On a beaucoup de demandes aussi d'organisations qui veulent organiser le FS Warm Up. Ouais. Et on a aussi beaucoup de liens qui sont créés, puisque soit c'est des gens qu'on connaît depuis des années à travers les milieux culturels ou autres, soit même des fois des bénévoles qui sont aussi dans les structures, donc ça Ouais. c'est assez drôle là-dessus. Je prends l'exemple de ce soir à Toulouse, Clément qui est dans mon Ouais. équipe socio depuis plusieurs années, donc c'est un très Ouais, bon je sais copain qui c'est là-dessus. de. Voilà. Et après, effectivement, nous, on donne un peu carte blanche aux orgas pour mettre les premières parties. On pousse assez souvent pour qu'il y ait des ouvertures, comme ça permet d'avoir déjà de faire de la découverte, que le public local voit un peu cette fierté d'avoir un groupe local Ouais. à l'occasion d'une soirée labellisée Hellfest. Donc ouais, c'est l'occasion aussi pour nous de jeter des oreilles et puis de voir un peu les nouveaux talents qu'il y a en local et pourquoi pas peut-être un jour de jouer au Hellfest, quoi. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu plus du festival. Et là, notamment, je vais te parler un peu de la vente et de la revente des billets, parce que vous avez choisi cette année de l'internaliser. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi et quel premier bilan vous en tirez? Ça fonctionne bien? Ouais, écoute, ça fonctionne bien. Alors effectivement, on est sur une nouvelle plateforme cette année. Ça nous permet nous d'avoir un contrôle vraiment de A à Z de la vente de la billetterie jusqu'à la revente. Donc en termes de sécurité, de facilité aussi de gestion, c'est beaucoup plus simple pour nous. Alors on est conscient qu'il y a eu des petits ajustements à faire au début là-dessus. Mais globalement, le résultat est assez positif là-dessus. Donc voilà, c'est encore un système qu'on va améliorer d'année en année avec notre prestataire. Mais voilà, ça permet d'avoir des facilités de gestion sur cette partie billetterie. Et Oui, bah que les billets soient disponibles qu'au dernier moment pour éviter le marché noir, par exactement, exemple. il y a aussi cette grosse nouveauté. Voilà, on n'a pas édité encore les billets, c'est vraiment des confirmations de commande. Et on les enverra qu'un mois avant. Ça évite, notamment pour les revendeurs, de se dire bah, je vais le revendre tout de suite. Et non, en fait, tu n'auras pas tout de suite le billet. Donc, Les sites un voilà. peu pourris n'ont pas accès aux billets du coup. C'est ça, voilà. Et surtout, s'ils doivent revendre ils espèrent revendre leur billet rapidement, c'est un peu foutu, quoi. Ouais. Oui, ça bloque aussi le budget. Ok. Et alors c'est une question un peu plus anecdotique, mais chaque année, il y a beaucoup de monde qui s'arrache les cheveux au moment de la mise en vente parce que tout le monde se bagarre pour les avoir. Est-ce que vous pensez à des solutions un peu différentes sur la mise en vente? Je sais pas, des tirages au sort, des choses comme faire ça. Un autre week-end? Ouais, là, non, il y a pas de. Voilà, on va faire un autre week-end. Malheureusement, non, il y a pas de solution. Hein, c'est juste que c'est un problème mathématique et là-dessus, on n'a pas de solution. C'est qu'il y a plus de monde qui veut venir au festival qui ne peuvent y participer, donc. Il n'y a pas d'autre système, malheureusement, à part peut-être partir sur du tirage au sort, mais ça, on est un peu frileux là-dessus. On préfère garder ce système-là. Mais non, voilà, c'est juste qu'il y a peut-être deux fois, trois fois plus de monde qui veut y participer, alors que nous, on ne peut pas en accueillir autant. Je comprends bien. Je vais continuer avec une autre question qui fâche, entre guillemets. Il y a des râleurs, mais c'est pas non plus. C'est par rapport à votre timing de révélation de l'affiche, parce qu'en fait, ces dernières années, elle a un peu reculé dans le temps, et on voit beaucoup de monde se plaindre que vous êtes les derniers à annoncer. Alors certes, vous annoncez tout d'un coup, mais les gens finalement préféreraient, j'ai l'impression, peut-être un peu plus de, tu vois, un peu comme Foo Fighters il y a deux ans. Sur les approches de édition, quelques noms par-ci, quelques noms par-là, comme font certains de nos confrères. Toi, vous pensez quoi, vous ? Ça, malheureusement, on est contraint par les calendriers des artistes aussi, les annonces d'artistes. Donc, effectivement, quand on doit annoncer plutôt une tournée, on le fait. Quand on peut pas, malheureusement, on ne pouvait pas, là, notamment, c'était sur Linkin Park. Et donc, en fait, on essaye au maximum de. Effectivement, nous, on préfère tout dévoiler d'un coup. C'est un peu notre recette. Ça permet aussi d'expliquer pourquoi on fait certains choix de programmation, le fait d'avoir plusieurs scènes, plusieurs styles, etc. Alors que certains s'arrachent que sur certains styles. Oui. Mais en fait, on veut vraiment, nous, tout balancer d'un coup. C'est notre choix là-dessus. Et je pense qu'on n'est pas les derniers, parce qu'il y a d'autres festivals qui, eux, annoncent en fait des groupes par vagues. Et on ne veut pas arriver non plus à un système de 3, 4, 5, 6 vagues, des fois, comme on peut voir sur d'autres festivals. Je crois que le Crass Pop a fini d'annoncer son affiche là, cette semaine, par exemple. Nous, on préfère en fait à lancer tout d'un coup pour avoir ce côté vraiment global et cet effet de masse, on va dire, quand on annonce la programmation. Pour préciser, ça ne vous ouvrirait pas d'autres opportunités, par exemple en janvier ou février, de ne pas avoir tout annoncé, d'annoncer par vague? Non, parce que maintenant, les tournées des groupes se font de plus en plus tôt, donc tu vois, là déjà, ça pour 2025, en janvier-février, c'est déjà terminé pour cet été. Hein, c'est terminé depuis quasiment septembre-octobre. Donc non, ça ne changerait pas grand-chose. Oui, peut-être sur les petits noms, mais c'est pas ce que malheureusement la masse va retenir sur ça. Donc non, on n'aurait pas d'intérêt non plus à repousser encore à février-mars. C'est encore pire, je crois, Du coup, l'attente. Non, mais après, moi, c'était justement pour que préciser qu'on puisse aussi se rendre compte que en fait vous auriez pas eu une opportunité bien plus incroyable tu vois dans 15 jours ou 3 semaines après tu vois au niveau de votre programmation vous avez une très grosse influence sur la vision que les gens peuvent se faire des groupes en fonction de quand est-ce que vous les programmez, où est-ce qu'ils sont sur les affiches, tout ça. Et du coup, vous avez aussi rendu, pas que vous, il y a aussi le talent musical, mais rendu populaire et poussé derrière certains artistes. Je pense à Gojira qui a été le premier groupe, c'est Hellfest, la première fois qu'ils ont été tête d'affiche d'une main stage 1 en Europe. Ghost, un peu plus vieux. Landmarks, l'an dernier, que vous avez propulsé et qui depuis tourne à fond. Est-ce que vous ressentez une pression de plus en plus importante justement de cette. Cette programmation et de ce que vous vous rendez compte de que presque des fois vous changez un peu le cours de l'histoire de certains groupes. il y a un terme que les agents ont sur le festival, c'est game changer en fait. Ça te fait changer de niveau en fait, on va dire de jouer à un Hellfest et en fonction de la position où tu es situé sur l'affiche. Donc ça influe effectivement la carrière d'un groupe, mais effectivement comme tu le dis, c'est pas uniquement la position sur l'affiche, il faut aussi que le show derrière soit bien, donc en général il l'est. Sinon on ferait pas non plus ce choix là, mais on essaie au maximum d'avoir un choix assez précis et des groupes qui iraient sur ce niveau là quoi. Ok. 5 minutes, ok, bon alors j'ai le temps de t'en poser deux. Ma première question, c'est de savoir un peu quels vont être les prochains grands challenges que vous, pour le Hellfest, que vous avez, vous en tout cas, en tête. Parce que, on a l'impression que depuis quelques années, tout roule, tu vois. Mais maintenant, c'est quoi ce que vous voulez faire pour encore passer un cap sur certaines choses? Je pense que le festival a atteint une vitesse de croisière maintenant, et maintenant il faut continuer à la garder. C'est pas toujours chose évidente. C'est bien de grandir, mais après il faut maintenant se maintenir, on va dire. C'est un peu comme dans la carrière d'un groupe, là-dessus. Et après, nous, ça va être des challenges un peu plus moins visibles, je dirais. Tu vois, plutôt que de s'agrandir ou rajouter des festivaliers ou programmer tel ou tel groupe, etc. Ça va plus être d'essayer d'être en accord avec son temps, avec les sujets de société aussi, donc c'est tous les sujets liés à l'écologie notamment, on est sur une logique de travail depuis maintenant 2 ans, d'arriver à mutualiser, enfin de faire correspondre, on va dire, les attentes écologiques et de la société sur ce sujet-là, à travers un problème comme l'organisation du Hellfest. Donc c'est pas toujours simple d'organiser un gros événement tout en réduisant son impact carbone. Mais voilà, c'est des problématiques sur lesquelles on essaie d'être force de proposition, laboratoire de technologie, de matériaux, etc., de matériel technique aussi qui peuvent améliorer tout ça. Donc il y a un gros sujet là-dessus qui se voit pas forcément et qui sera pas impactant dès l'année 2025 ou 2026. Mais voilà, c'est un projet qui va se construire sur plusieurs années, et ça c'est un projet qui nous tient à cœur, qui nous prend du temps aussi, qu'on essaie d'impacter sur le long terme. Disons que c'est aussi, au niveau de l'écologie, c'est aussi un peu une nécessité pour vous pour continuer à vivre et à survivre. Parce que, exactement, on est tous dans le même bateau. Vous avez un peu le risque que certaines personnes vous disent plus haut, là faut arrêter parce que c'est pas du tout. Dans les normes d'aujourd'hui. Et puis c'est pas dans nos valeurs et nos idées, on va dire, là-dessus. Donc il y a des contraintes aussi techniques qu'il faut prendre en compte, que tout le monde n'a pas forcément, et souvent ceux qui critiquent n'ont pas ces contraintes en tête. Ouais. Donc nous on les a bien, donc on sait exactement où est-ce qu'on a encore amélioré des choses, sur lesquelles on a déjà fait des progrès aussi, notamment je pense tout ce qui est traitement des déchets là-dessus. On voit aussi un changement d'habitude des festivaliers qui font de plus en plus de covoiturage ou qui viennent en transport en commun. Donc voilà, il y a encore du travail à faire là-dessus, et on va le faire sur les prochaines éditions, quoi. Cool. Ma petite bonus, ma petite dernière, et après je te laisse à tes occupations. On a vu un retour du Hellfest US qui vient de réapparaître un peu de nulle part. Mmh. Alors je pour avoir un peu cherché, je sais que vous êtes au clair en termes de nom, tout ça, de droit par rapport au Hellfest Open Air, donc à Clisson. Mais est-ce que ça peut représenter un impact pour vous, ne serait-ce que marketing, tout ça? Est-ce qu'eux ne vont pas un peu surfer sur la réputation que vous avez bataillé pour vous faire depuis plus de 15 ans maintenant? Est-ce que vous en savez un peu plus? Écoute, on a découvert un peu comme tout le monde cette histoire-là. Après, je sais qu'il n'y a pas de line-up, pas de billetterie qui ont été lancées. Mm-hmm. C'est vraiment juste des petits visuels sur Internet. Mais pour le moment, il n'y a pas de... on n'en sait pas plus. Donc, c'est un peu du vent, je dirais, pour le moment. Oui. Donc, après, effectivement, nous, on a construit notre réputation depuis 15 ans, même un peu plus maintenant. Donc le nom est devenu plus gros pour Hellfest France que pour Hellfest US. Ouais. Donc je pense que ça surfe un peu sur une espèce de nostalgie. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais effectivement, nous, on est au clair en tout cas sur la partie juridique là-dessus. Vous n'avez pas été contacté par eux pour en parler? Absolument pas. Non, parce que là, on aurait pu aussi se dire qu'ils auraient pu tenter une approche un peu comme ça, en se disant venez, on exporte chez nous avec le nom. On l'a déjà expliqué. On ne pourra pas faire un Hellfest à l'étranger parce que ça implique trop de moyens. Et Hellfest, c'est pas juste faire des groupes, c'est aussi une atmosphère, une ambiance, un terrain. Donc voilà. Ok. Écoute, Riku, merci pour ton temps, merci pour la réponse à tes questions. Et on va profiter, nous, de cette dernière soirée. Et bonne soirée à Toulouse, quoi. Voilà. Ce soir, bon courage pour finir et pour la préparation du festival. Merci beaucoup. Avec plaisir.